Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, Lost in Space sur Radioactive, le son FM ou le radio-active.net. C'est votre rendez-vous entre 21h et minuit, exclusivement rock, musique diverse, variée, essentiellement expérimentale, que vous n'entendrez vraisemblablement jamais ailleurs. Et on attaque avec Lady Banana et ce morceau Wall of Cheese pour la première partie d'émission sur les nouveautés plutôt rock'n'roll. Allez, go! I know you don't. We'll be right back. I'm gonna let you drag me through the mud again. You're wrong. You think I'll sit idly by while you take a knife and stab it in. I don't expect to see anything good come from this misery. I don't expect nothing from you, so please leave me be. I've had all I could stand. I've had all I could stand. I've had all I could stand of the suffering caused by your hand. Ooh! you want me to play, I'll play. I'll play. I'm getting kind of restless. Wanna get on the road. I'm getting kind of restless, y'all. Believe it's time to go. I wanna get on that bus. Wanna play me a whole bunch of shows. Gonna be so fun to see y'all. Can't believe you still wanna come. We'll do our best to rock your socks. A few hours of fun. I wanna get on that stage. Wanna play you my very best show. I wanna get on that stage. Wanna play you my very best show. Heaven. 100% sweat bullets. Not 75. No shoegazing, y'all. 100% sweat bullets. Yes, yes. I'm getting kind of anxious. Feel like getting around. Me and Dan and Mark and you and Roy are gonna tear up some new ground. But lead me to the place I can play. I'll prop me up on my shoes. We play some more to get down music. Gonna tear up just for you. We wanna get on that stage. Wanna play you a very best. Get on that stage, wanna play you our very best show. Yes, sir. We wanna get on that stage, wanna play you our very best show. Show enough. 100% sweat bullets, not 50. 100% hear what I say. Well, sweat bullets. No, it's like a work ethic thing. It's what we do. You know, I mean, like, we don't, like, be messing around, you know. We give you what we got. Yes, sir. Now we're gonna get psychedelic on the old way. Yeah, we're gonna get psychedelic. Out. C'est sur ce C6 Steve Royce Gang que nous allons achever la première partie de Lost in Space sur le 100 FM. Maintenant, on reprend les habitudes, on les avait laissées. On avait commencé il y a depuis quelques semaines la lecture d'un très beau livre sorti aux éditions Ritrut sur l'histoire des Slits. Et cette histoire continue maintenant. Entre les engueulades, Keith est tranquillement vive à développer sa pensée et à jouer lors de la lutte à mener pour apprendre l'instrument entre euphorie et frustration. Et le bout des doigts enflé, comme quand n'importe qui prend une guitare pour la première fois. Je lui montrais ce que Dave Gilmour pourrait faire et puis ce que je ferais moi, et elle disait « Mais je ne peux pas le faire non plus ». Et je répondais « Bien sûr, je ne te demande pas de faire les deux, je veux juste que tu vois la différence ». qui se poursuit. Quand Viv a commencé à sortir ses propres trucs, c'était suffisant pour moi. J'étais là. Je ne sais pas comment tu fais ça, mais c'est vraiment génial. Alors ça marchait comme ça. Après cette leçon, on arrête pendant quelques semaines avant de reprendre et tu vas me dire « Kiss, je suis trop nul à la guitare ». Ensuite, tu vas t'améliorer et tu diras « Je suis redoutable à la guitare ». Puis, ce ne sera pas encore assez. Je lui ai appris à fonctionner par palier et comment elle pourrait l'appliquer dans la vie, pas simplement avec son instrument. Cela ne concernait pas uniquement le jeu de guitare. Il était aussi question de l'approche. Au bout du compte, j'espère avoir été la bonne personne au bon moment pour elle. Tandis que Viv commence à acquérir de la dextérité et de l'expérience, une autre lumière phare apparaît sur son radar, même si elle vient d'un peu plus loin. Patti Smith, la poétesse et chanteuse proto-punk new-yorkaise. De plusieurs manières, Smith est un modèle plus approprié que les Pistols pour Viv, pas simplement en raison de son sexe, mais parce qu'elle fait la conquête de la scène rock en tant que femme, et à ses propres conditions. À la différence de nombreuses femmes dans le rock et de la pop avant elle, et de beaucoup qui vont suivre, Patti Smith n'avait pas encore essayé d'être sexy ou de se promouvoir avec une image sexuelle. Et réciproquement, elle n'adoptait pas une pose masculine non plus. Par conséquent, elle gagne aussi bien le respect des fans de musique masculin que féminine, au moins parmi ceux et celles qui avaient l'esprit ouvert. « J'ai senti que c'était mon devoir de réveiller les gens », dit-elle. « Je pensais que la poésie s'était endormie, de même que le rock'n'roll. » Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Me. pour vivre, réaliser que cette approche est possible vaut son pesant d'or. C'était énorme quand est sorti l'album Horses de Patti Smith. Je me rappelle avoir vu Mick sur Oxford Street et nous sortions tous les deux de chez HMV avec cet album. J'étais impatiente qu'il soit disponible, je comptais les jours. Quand je suis rentré à la maison et que je l'ai mis sur ma platine, imparable. C'était comme si je rencontrais pour la première fois une femme ayant les mêmes sentiments que moi, à n'importe quel sujet. C'était une grande chance de l'avoir entendue avec toute la passion qu'elle y met et tout le sex appeal sans pour autant n'être que des seins et un cul. Paloma Romero est née dans l'Espagne de Franco en 1955. C'était une personne agitée, brillante et indépendante qui ne se sentait pas du tout dans son élément. Elle avait quitté l'Espagne pour Londres en 1972, accompagnée de sa sœur Esperanza. Les deux sœurs mènent très vite une vie bien plus décontractée et libérée à West London, où elles fument des joints, vont à des concerts, échappant au système dans une série de squats hippies moisis. Squatter est à l'ordre du jour. C'est étonnamment facile à l'époque, puisque dans cette partie de ville, il y a énormément de maisons abandonnées, endommagées par les bombes, qui attendent simplement d'être visitées et investies. Ces squats, autrefois des maisons familiales, ont leurs propres particularités. Gina Birch, étudiante aux Beaux-Arts, plus tard bassiste des Raincoats, a fait une impressionnante culture de champignons dans ses toilettes. Mais en plus d'être un terrain fertile pour les missettes, ces maisons sont également des foyers de créativité. De jeunes artistes pleins d'idées mais sans trop de moyens se rencontrent et forment des collectifs. Pourquoi dépenser l'argent loyer quand vous en avez besoin pour acheter la peinture, la bière, les fringues d'occasion, le shit, les cordes de guitare et les billets de concert ? Tout le monde savait où étaient ses priorités. C'est dans l'un de ses squats au 101 Walterton Terrace que Paloma rencontre un musicien charismatique alors surnommé Woody. C'est un caméléon, changeant de personnalité à la moindre occasion, et il se fera bientôt connaître sous le pseudo de Joe Strummer. Mais au stade de notre histoire, c'est encore Woody, surnom qu'il a pris en hommage au chanteur folk américain Woody Guthrie, dont il était fan et qui est l'auteur de This Land Is Your Land, une réponse politique à la chanson patriotique d'Irving Berlin, God Bless America. Paloma et Woody se mettent rapidement ensemble. Woody joue déjà dans les 101ers, un groupe de pub rock populaire qui s'est fait un nom localement. La vision de la vie de Woody peut sembler assez conventionnelle à ce moment-là, mais sa liaison avec Paloma a un effet profond sur lui et marque le début de toute une vie de fascination pour la culture espagnole. Paloma et Esperanza passent leur soirée à danser au concert des 101ers à la Clam Hall et donnent parfois un coup de main pour la nourriture et la boisson au W10, un lieu punk devenu légendaire. Voir son petit ami faire des vagues sur scène est autant inspirant que frustrant pour Paloma, en particulier quand il commence à prendre ses distances avec elle et les amis hippies de sa sœur. Woody a déjà été approché, certains diraient débauché, par Keith Levine et le manager Bernie Rhodes. Il l'avait repéré à un concert et lui demande de se joindre au groupe qui deviendra The Clash. Ce qui transforme profondément son identité. Une mèche rockabilly remplace sa tignasse, il abandonne son look hippie marginal en faveur des jeans serrés et d'un air arrogant. Et dorénavant, il répondra seulement au nom de Joe Strummer. C'est sur les Clash avec I Fought the Law que s'achève notre petit extrait de l'histoire des Slits, ce magnifique groupe punk du début des années 80, plutôt fin 70 en Angleterre. On va continuer notre émission tranquillement en musique. La séquence suivante, c'est un peu de lecture de texte d'un livre d'Olivier Adam qui s'appelle « Des vents contraires ». Thank you. him a miss for a ride. A slab of red or two should be right. We'll never want anything more than this. Gonna pump our sounds right into your face. 400 watts should get us some space. We'll never want anything more than this. We'll never want anything more than this. Gonna pick us up some sweet bass. Gonna give them smoke till they misbehave. Shag them if we're feeling real great. We'll never want anything more than this. We'll never want anything more than this. We'll take the stubborn spirit off the ground. You backstabbers, hypocrites, the same friends who were just a bunch of shit. Cause there ain't no more in this world. There ain't no more in this world. What I'm talking about, true life. True life. True life. Everything is out of date. The summer life, take away your pain. The easy life, the fun. It's just a dream that I get in my cup. Cause there ain't no more in this world. I said there ain't no more in this world. What I'm talking about, true life. True life. True life. Okay. Woo. Woo. Nothing that I want to say. Your life, my life. And I've met a human who was civilized. Ain't no more in this world. Oh, ain't no more. Ain't no more in this world. What I'm talking about, true life. True life. True life. True life. True life. True life. Tu leur as donné l'adresse ? Oui, oui. Tu leur as bien dit qu'ils pouvaient venir cet été ? Clément fixait la route et répondait d'un air absent. Dans le rétroviseur, je l'ai vu repousser discrètement sa sœur et sortir sa console de la poche de son blouson. Ses doigts se sont mis à cliqueter sur les touches. La route était presque déserte, ne circulaient que des camions alourdis par la nuit. Un instant, je me suis attardé sur son visage. Il avait grandi d'un coup, sans que je m'en aperçoive vraiment, et ne quittait plus cette expression lisse et sérieuse de petit garçon renfermé qui le vieillissait plus encore. Renfermé, mystérieux et narquois, ainsi que me l'avait confié un jour son institutrice, une femme ronde à lunettes et toujours vêtue de robes à fleurs, qui semblait puiser son vocabulaire dans les pages psychologie d'une revue féminine. Elle ne cessait de m'enjoindre de consulter un de ses amis pédopsychiatres. À l'en croire, seul un toubi pouvait aider Clément à sortir de sa léthargie, à se déverrouiller et à surmonter la phase de déni dans laquelle il était empêtré jusqu'au cou. À la fin, je ne prenais même plus la peine de cacher mon agacement devant toutes ces conneries et l'avais prié de bien vouloir se cantonner à l'enseignement du calcul et de l'orthographe. Le reste, je m'en chargeais et qu'elle veut bien me lâcher la grappe. J'avais pris Clément par la main et nous étions sortis de l'école en silence. Au McDo, tandis qu'il mâchait ses nuggets, un sourire s'était frayé un chemin sur son visage et ça faisait si longtemps que je n'en étais pas revenu. Pourquoi tu souris ? Pour rien. À cause de ce que tu as dit à la grosse vache. La grosse vache ? Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça ne t'a pas embêté que je lui parle comme ça ? Non, au contraire. Comme ça, elle va peut-être me lâcher la grappe à moi aussi. Manon s'est réveillée un peu avant Rennes. Elle ne savait plus où elle était, ni où on allait. « Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison », s'entêtait-elle à dire. J'ai eu beau tout faire pour la distraire, passer en revue les disques et les jeux que je connaissais, elle n'en a pas démordu. J'ai fini par mettre le clignotant. La station-service était moche et bondée. On a erré un moment dans les rayons, Manon reniflait et me tenait la main comme s'il avait peur de se perdre. Je l'ai attirée vers les peluches, des panthères aux yeux brillants, un mouton au poil terne et un cochon bizarroïde se disputaient la plus haute étagère, mais rien ne lui a plu. Les bûcherons à l'instant avec ce morceau ultra rare sur un 4 pistes, même pas de titre particulier, enregistré dans les années 80 dans la banlieue lyonnaise. C'est la fin donc d'une seconde partie de l'émission sur Lost in Space Radioactive 100 FM. Et maintenant, retour encore une fois vers le passé encore plus lointain. Voici l'émission. Ce à quoi elle aurait ressemblé si nous étions en 1980 avec donc que des nouveautés de l'année 1981. Juste à partir de maintenant, on va voir les UK Subs et Countdown pour commencer. Allez, go!

won the war. Animals have more fun. Mother Nature's son, sure homework done. Animals have more fun. Enjoying your dreams, but up the trees. Animals have more fun. What did your mother tell you? What did your father tell you? What did the teachers tell you? What did they say? What did your mother tell you? What did your father tell you? What did the teachers tell you? What did they say? Mutta en olisi tahtonut oppia, että Santa Maria, Santa Maria, Sofia. Milione fatte il mancatia. Ja ganza kunnat, kasvetaan, vihamaan toisiaan. Now Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM, Lost in Space, votre rendez-vous rock, musique diverse et variée, avec les Suédois à l'instant de Ebba Grön qui vous chantait 1800 grader. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire vu que je pipe pas un mot de suédois. Et ce qui nous permet de faire la transition tout simplement vers la séquence suivante qui va être quasiment les meilleurs singles des années 80. On va progresser progressivement avec des morceaux que vous connaissez vraisemblablement tous. Et le premier, c'est Echo and the Bunnymen qui chante The Killing Moon. Love.

the shyness that is criminally vulgar. I am a summoner of nothing in particular. You should shine. Would you like to go?